Tu vas mourir, tu vas t'éteindre comme une lampe de chevet. Quand le matin commence à poindre, quand le bouquin est achevé, dors en paix, pépé. Tu vas abandonner ton souffle, les taches rousses de tes mains, et repasser sans tes pantoufles le seuil du monde des humains. Dors en paix, pépé. Je ne m'en fais pas pour ton âme. Tu n'as à craindre nulle flamme, bien que tu te sois dit sans Dieu. Tu peux sans faire de grimaces regarder le soleil en face quand tu auras fermé les yeux. Un peu de toi s'en va descendre, mais tout le reste va monter. Quitter cette vallée de cendres pour une planète d'été. Dors en paix, pépé. À belle dent, tu déjeunes. Le soir, tu soupes de peu. La vie, ça t'aiguise en jeune, puis ça te déguise en vieux. Vas-tu connaître la recette d'un repas qui coûte moins cher? Et vas-tu faire la conquête d'une beauté hors de la chair? Dors en paix, pépé. Où tu vas, je ne puis t'atteindre. Suis-moi si tu peux où je vais. Déjà le jour commence à poindre. J'éteins ta lampe de chevet. Dors en paix, pépé. Dors en paix.